معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودعوة الضلال c'est en vérité désobéissant à Allah et à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi ils appellent à l'égarement. وَقَطْعُنْ لِخَلَفِ هَدِ الْأُمَّةِ عَنْ سَلَفِهَا الصَّالِحِ. Ils veulent donc qu'il y a, les liens sont coupés entre ceux qui sont venus après, les khalaf c'est ceux qui sont venus après, et les plus prédécesseurs. وَقَدْ جَعَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرْ مِنْ سَبَبِ السَّلَفِ مِنْ يَصُبُ السَّلَفِ وَيَلْعَنْ آخِرَ هَدِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ. Parmi les signes de la fin du monde, c'est qu'on verra quoi? Donc parmi les musulmans, des gens qui vont insulter les plus prédécesseurs, يَصُبُونَ السَّلَفِ. نعم الَّذِي يَقْرَ فِي الْكُتُوبِ يَعْرِفُ ذَلِكَ. وَقَدْ يَتِي هَدَى الشَّخْصِ وَيَعْتَبِ النَّفْسَهُ كَأَنَّهُ مُحَدِّثِ. Ils se permettent de faire croire qu'ils sont les muhaddithin, ulama, wa hum yasubun as-salaf. Comme yasubu Abu Huraira, مثلا. Ils ont insulté, sabu Abu Huraira. Ils ont insulté Abu Huraira, le compagnon du prophète, Abdullah Ali, et d'autres. Ta'anoufi. Donc, et là, donc, parmi les signes, c'est qu'ils insultent les plus prédécesseurs, et les derniers, in akhir, yani qabl yawm al-qiyamah, les derniers des gens, ils vont insulter les premiers. Yasubun as-salaf. فلا يعني يبعد أن يكون هذا بداية لما سيحدث. Et c'est pas donc ce n'est pas loin de voir que là on est au début de ce qui va arriver. Donc parmi مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on a déjà les prémices, on a déjà les premiers signes. وليس لهم يعني شبه في ذلك إلا أنهم يقولون إن الأخذ بهذه السلف تقليد. ونحن مأمورون بالكتاب والسنة ومنهيون عن التقليد فجاءوا بشبهة بكلام ليس بصحيح. Ils sont venus avec une parole ambiguë. Ils disent nous avons été ordonnés, donc nous, si on suit les plus prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on est des muqallidin, on suit les gens tout simplement, et on a été ordonné de suivre donc du livre de la sunna, et on a interdit de suivre aveuglément. Voilà ce qu'ils disent. نقول لهم التقليد ليس مذموما على الإطلاق. ردوا عليه ماذا؟ يو بالو ريبون دونك شيخ لو ريبون حفظ الله عز وجل. دونك لو فات دو سويف كالكان لو سويف سو ني با دونك رونيي او بيان سو ني با دينيغري دو فاصون ابسولو. فالتقليد في الحق واتباع اهل الحق مامور به. Donc le fait de suivre quelqu'un dans la vérité et de suivre les gens de la vérité, ça c'est un ordre. Nous nous sommes ordonnés de le faire. On se doit de faire ça. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يونس يعني يوسف عفوا عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آباء يعني آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Donc il dit bien يونس يوسف عفوا يوسف عليه الصلاة والسلام. J'ai suivi la voie de mes pères Ibrahim et Ishaq et Yaqub. فهو قلد قلد يعني أهل الحق. Il a suivi qui? Les gens de la vérité. Fa Yusuf alayhi salam yukhbiru annahu ittaba'a man qablahu lamma kanu 'ala al-huda. Donc Yusuf alayhi salam, il montre ici, il annonce qu'il a suivi ceux qui étaient avant eux, mais que ces gens-là étaient dans la guidée. Wallahu jalla wa ala innama dhamma ittiba' al-aba wal ajdad. Et pourtant on voit des fois dans le Coran qu'Allah azza wa jalla donc réprimande le fait de suivre les pères et les grands-pères, les annahum ala ghayri ilm, de ceux qui n'ont pas d'ilm, taban alladina ma indahum ilm idha kana in abuk aw jadduk ma indahu ilm fa anta la tattabi'u wa kada aqsud fi dinina azza wa jalla idha qala laka hada wa hada fi din anta ibn wa huwa yukhti fa hada khata wa la kana min al ab wal jadd anta tuhibbuhu tuwaqqiruhu ila akhirih. Donc pourtant ici, il montre bien que Allah Azza wa Jalla a réprimandé de suivre les parents et les grands-parents, ceux qui n'ont pas de science. فَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَيَعْقِلُونَ شَيْئًا أَوْ وَلَا يَهْتَدُونَ. Ici Allah Azza wa Jalla nous montre bien sur le Baqara, sur le Baqara. Lorsqu'on leur a dit, suivez ce que Allah Azza wa Jalla a descendu, ils ont dit, certes, nous suivons ce que nous avons reçu de la part de nos pères. Mais si seulement vos pères, si seulement leurs pères, donc ne